combien moutou vole qui là aussi, combien moutou sans la science, combien moutou moun pa ni peur ni bon de ça, et puis combien moun normalement qui devrait chercher par la police, combien moun qui a omé en dans l'état là, combien moun qui a fumé un joint alors que pas conduit moto, combien moun qui ne trouve dans l'eau, toutes ces questions là, c'est une question de voyous. Et c'est pas normal. Car là, nous savons tous que fréquentation lycée, c'est pas une bonne fréquentation. Mais regardez ces mounes calentouilles là. Il y a au moins 3 mois qu'on est dans que nous habitons de lycée, puis c'est lycée, c'est des trafiquants de drogue, c'est des gros volets, et c'est bougant dans le clip bougla. Il a consommé ça. Donc, je dis aux politiques, je les emmerde. Mais alors là, franchement, là, demain, si tu veux faire un jour, je vais appeler Mourou, je vais foutre un modèle de savon, je vais dire ça, il y a un bâton. Donc, il y a de parler de ça parce que je vais rentrer en juin. Monsieur le maire, je lui ai dit que ça va être violent aussi de ma part, parce que là je vais réagir, je ne peux pas et accepter ça, parce que de toutes les façons, ça s'est fait la journée, en soirée, mais pas en nuit, parce qu'en nuit je travaille, Et là, j'aurais été pété ça. Autorisation de la mairie ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis commandé par le ministère de l'Intérieur. Et je lui ai dit, ne recommencez pas ça et ne faites surtout pas pendant que le moment où je travaille, parce que moi, j'aurais été cassé ce clip-là. Et hors de question, de cautionner, de me dire, de me mettre en réserve au cas où quelque chose se passe bien, mal, et puis qu'on va protéger les gens, et non, mais de ma gueule là. Les gens, ils sont pas de casse. Les motos volées sont dans ça, des motos sans assurance, des motos sans carte de brise, des mecs sans permis, des mecs sans casse. De la drogue dans le truc, des fusils qui se baladent dedans, qui ont des coups de feu à droite à gauche, ils exhibent leurs armes et compagnie. Là, on se fout de moi.